Vous y allez comme vous voulez. Aujourd'hui c'est mardi et je n'ai pas le courage. 5 janvier 2016, plus rien à picoler. Mais je me rappelle qu'un pote n'a pas n'importe quel âge. Là je chope ma guitare et me mets à chanter. Lolo lolo, je voudrais te revoir. Parfois dans d'autres conditions. Lolo lolo, tu es mon copain. Alors prends-moi par la main. La preuve que le rock'n'roll rajeunit, sans faire de sport, de chirurgie, et même sans fumer d'herbe. Et du haut de ses 44 ans aujourd'hui, même Luna le dit, il est punk, et puis il t'emmerde. Lolo lolo, je voudrais te revoir, parfois à un concert de jazz. Lolo lolo, tu es mon copain, alors prends-moi par la main. Wouh! Tarte à la bière. Lolo lolo, tu es mon copain.